Nous recevons ce matin, nous avons la chance de recevoir ce matin Francis Huster dans Multitube. On ne présente plus Francis Huster. Vous le connaissez tous et toutes, et depuis maintenant de nombreuses années, Francis Huster est le parrain du Conservatoire des Broderies de Lunéville. Francis Huster, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait très plaisir. Merci à vous en tout cas. Alors, Francis Huster, on vous connaît tous, la France vous connaît. Ce que l'on connaît moins, c'est justement le fait que vous soyez parrain du Conservatoire des Broderies de Lunéville. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est très simple. Je jouais à la Comédie Française et une famille, la famille Rémy, avec Marie-Yvonne, François Rémy et leur fille Aude, ils sont venus me voir à la sortie du théâtre après avoir vu Hamlet, justement, de la pièce que j'interprétais au Théâtre Antoine. Et là, ils ont commencé à me parler du conservatoire parce que, évidemment, la broderie, c'est quelque chose qui me touche beaucoup puisque ma mère était couturière. Et c'est vrai qu'il faut le dire, et j'en profite que le Grand Est a quand même créé 2500 ou près de 3000 entreprises professionnelles de métiers d'art. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que c'est à la fois non seulement la broderie, mais aussi la céramique, le textile, même le travail de bois. Et ces artisans, moi, je les respecte. Et quand tout d'un coup, j'ai compris que cette famille s'appelait Rémy, j'ai été scandalisé parce que j'ai immédiatement pensé à Nancy, qui est pour moi une ville que j'adore à cause de Michel Platini, la légende de Nancy, oui. Mais c'est aussi la ville de cette horreur de Nicolas Rémy qui a tué plus de 800 femmes en prétextant que c'était des sorcières. Donc c'est une ville incendiaire avec cette place Stanislas. Alors j'ai été tout à fait enthousiasmé de pouvoir porter vraiment mon aide à ce conservatoire et c'est magnifique ce qu'ils y font. Je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être jeunes et qui l'ignorent totalement, c'est que la première toile brodée, et ça c'est mon professeur du conservatoire, René Simon, qui m'en avait parlé, imaginez-vous que c'était une toile d'origine égyptienne qu'on avait brodée, je crois, 9 siècles avant Jésus-Christ, et c'est là où on a inventé le fameux point de croix. Et puis aussi, il m'avait parlé, alors je ne sais pas si c'est vrai, d'une tunique, je ne sais plus si elle était suédoise ou norvégienne, enfin scandinave, qui avait été brodée aux manches, je crois, 1400 ans ou 1300 ans avant Jésus-Christ. Donc que la Lorraine puisse continuer cet art-là avec des jeunes filles qui viennent du monde entier dans ce musée. Ils font des visites de prestige et Aude qui s'occupe de ça avec sa maman et son père. C'est vraiment des gens qui représentent bien votre région et je les admire beaucoup. Et là, on a la chance de pouvoir justement rencontrer le public. Il y a un orchestre le 17 juin et le 18 juin, cette date a été choisie justement parce que c'est deux dates très phares pour la France. D'abord, évidemment, la fête des Pères. Oui, et c'est pour ça que la pièce Hamlet, ce texte incroyable, qui est un des plus beaux textes du théâtre, que j'ai adapté il y a 50 ans, un demi-siècle, incroyable. J'étais tout jeune et j'étais à la Comédie Française et j'avais juré de le reprendre en plaisantant. Je disais, je l'ai joué 200 fois, 300 fois. J'ai dit, je le reprendrai dans un demi-siècle. Un demi-siècle après, j'ai la possibilité de le reprendre, donc je suis très heureux. Les spectateurs entendront vraiment dans ce magnifique théâtre du château de Lunéville une heure et quart d'un texte sur la vie, sur l'amour, sur le plus grand héros, évidemment, de tous les héros de théâtre, Hamlet. C'est magnifique, c'est bouleversant, et ça touche tous les publics, puisque ça parle de la vie, de l'amour et de la mort. Et j'espère que beaucoup de jeunes aussi viendront. Et puis, bien sûr, deuxième effet du 18 juin, en dehors de Hamlet, puisqu'il venge son père, donc c'est la fête des pères d'Hamlet, mais le 18 juin aussi, je rendrai un petit hommage, évidemment, au général de Gaulle. Bien sûr. Surtout en ce moment, juste avant de commencer la représentation. Mais alors, Francis Huster, on boit vos paroles, et quand on vous entend, vous parlez comme un vrai Lorrain. Vous représentez magnifiquement bien la Lorraine, alors pourtant, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, vous, je crois, hein ? Oui, Oui, oui, je suis né au moment. Alors, extraordinaire, ça aussi, ça ressemble tout à fait à, on dirait, un feuilleton télé. Oui. Ma mère, donc, est couturière, et tout d'un coup, elle commence à perdre ses os dans l'atelier de couture. Oh là là là là là là. Alors, à ce moment-là, elle descend, elle tombe juste, une chance extraordinaire, sur deux motards qui était là, à côté de la rue de la Banque, à côté du Palais Royal où elle était. Alors, ils l'ont mis sur leur moto, ils l'ont amené à Neuilly, à l'hôpital américain. Et c'est pour ça que je suis né à l'hôpital américain. Et c'est incroyable parce que vous ne le croirez pas, mais c'est la vérité. C'est inouï. La sage-femme qui m'a accouché et qui avait l'habitude, vous savez, de prendre des petites photos, les trois ou quatre sages-femmes, elles prenaient leurs photos avec le bébé qu'elles accouchaient pour si jamais il devenait un jour célèbre ou quoi que ce soit. Et un jour, à la Comédie Française, cette femme a frappé à ma porte. J'étais en train de jouer Lorenzaccio. Je dis entrez. Je dis qui c'est. Je me démaquille. C'est Molière. Je dis arrête tes conneries, Villeray. J'étais sûr que c'est Jacques Villeray qui faisait une blague. Elle rentre et effectivement, elle s'appelait Hélène Barbini Molière. Donc ça veut dire que j'ai été accouché par Molière. C'est pas extraordinaire. Non, mais c'était un signe déjà du destin à ce moment-là. Incroyable. Alors, incroyable. Francis Huster, merci pour ces infos, d'ailleurs, qu'on prend bien note. Je rappelle que, donc effectivement, et vous l'avez dit à juste titre, dimanche 18 juin, c'est la semaine prochaine, vous serez donc chez nous, en Lorraine, à Lunéville, exactement, donc, pour interpréter donc, Hamlet. Nos amis auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce matin peuvent d'ores et déjà aussi s'inscrire, prendre les réservations, pardon, pour venir vous voir, vous applaudir. Oui, c'est en matinée. Je crois que c'est à 15h ou quelque chose comme ça. C'est ça, tout à fait. Et c'est à dimanche. 15h30, exactement. 15h30. Voilà, au théâtre de Lunéville. Alors, Francis Huster, on va pas revoir tout votre parcours parce que celles et ceux qui nous écoutent ce matin vous connaissent. Et vous parlez de la Lorraine et vous parlez de Nancy. Quand j'ai communiqué sur votre présence ce matin dans Multitube, j'ai eu des messages qui sont arrivés par rapport à votre carrière. Alors on va pas revoir votre carrière puisque vous avez quand même une sacrée belle carrière derrière vous. Avant de vous poser une question sur la télévision d'aujourd'hui, j'ai juste une question à vous poser sur votre parcours. Quelle a été la meilleure, la plus belle des choses dans votre carrière qui vous soit arrivée? Je crois que la plus belle des choses, c'est qu'à la Comédie Française, pour la première fois, les caméras étaient autorisées à venir et à filmer le spectacle en direct pour le monde entier. Et il s'agissait de Lorenzaccio, mis en scène par le sublime metteur en scène italien Franco Zeffirelli, qui avait été assistant de Luchino Visconti, puis qui a fait des chefs-d'œuvre, hein, de Roméo Juliette, etc., une dizaine de films sublimes. Et donc, je jouais Lorenzaccio, Jean-Luc Boutet jouait Alexandre, il y avait Louis Seignier, il y avait Geneviève Cassi, il y avait Michel Géry, il y avait François Bolio, il y avait tout le Catherine Sarrière, il y avait toute la Comédie Française, 60 comédiens. On était en direct, et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu 220 millions de téléspectateurs à travers le monde, dans tous les pays en direct. C'était comme une finale de Coupe du Monde, oui, à cette époque-là. Et ça a été un souvenir incroyable, parce que quand tu rentres sur scène et que tu sais qu'il y a des centaines de millions de gens qui sont là, tu peux pas te planter, hein. Et la pièce, elle durait 3 heures. Et d'ailleurs, elle est toujours, on peut toujours la voir sur les plateformes. Lorenzaccio, ça a été filmé magnifiquement, et ça, c'est un très très rare souvenir. Et bien, il y en a énormément d'autres de souvenirs, bien sûr. Bien sûr. Alors, Francis Huster, vous êtes un homme de théâtre, vous êtes un homme de télévision, vous êtes un homme de cinéma. Bon, vous avez de multiples casquettes, vous avez plusieurs nominations, vous avez pour la télévision eu un 7 d'or pour votre interprétation pour Jean Moulin, vous avez eu des différents prix pour le théâtre. Vous vous sentez mieux avec quelle casquette? Au théâtre, au cinéma, vous trouvez? Eh bien, je trouve ça formidable, votre question, parce que c'est le grand problème de la France. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France, et pas seulement au point de vue artistique, au point de vue aussi de vous, les médias, au point de vue de même politique, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est encastré, on vous donne un emploi et c'est fini. Ça veut dire que celui-là, c'est un rigolo, Bourville, Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, Coluche, etc. Et puis alors, il y a les jeunes premiers romantiques qui sont beaux, et Gérard Philippe, Jean-Louis Trintignant, etc. Puis alors, il y a les pères, là, les forts. Alors qu'en Angleterre, ou en Italie, un acteur, par exemple, comme Vittorio Gassman, en Italie, il jouait du Shakespeare, et puis il jouait dans les comédies italiennes. En France, on refuse de on peut pas imaginer Gérard Jugnot demain dans un Tchekhov en France, mais c'est pas possible. Ouais. Et moi, je me suis battu toute ma vie, au contraire, pour à la fois faire le dîner de cons et à la fois faire Hamlet, pour à la fois faire Don Juan et à la fois faire les pigeons ou Sganarelle. Et justement, merci de poser votre question parce que quand par exemple, j'ai accepté de faire la série Ici tout commence. Oui, on va en parler. Tous les copains de ce métier m'ont dit bah, arrête Francis, mais tu es complètement cinglé, tu vas pas tourner dans une série. On est là en train de tourner des films sublimes et de faire des trucs. Qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai dit mais vous êtes vraiment mais c'est honteux ce que vous dites. Au contraire, il faut absolument que nous on aille dans des séries parce que c'est la seule possibilité pour les jeunes qui sont inconnus, qui ont entre 16 ans et 25 ans, 20 ans, de pouvoir apprendre leur métier pendant un mois, deux mois, trois mois, parfois deux ans, ils apprennent leur métier, alors qu'avant, nous, à notre génération, il fallait qu'on aille dans les cours d'art dramatique, il fallait payer les cours d'art dramatique. C'est pour ça que François Florent et moi, on a inventé le cours gratuit de la classe libre. Mais en tout cas, les jeunes n'avaient pas cette chance d'aujourd'hui. Et en plus, tous ces jeunes qui sont dans ces feuilletons, ces séries quotidiennes, ils jouent des rôles principaux. Alors qu'à notre époque, on n'était que trois ou quatre, Patrick Devers, Bernard Giraudot, moi, Weber ou Spiesser a joué des rôles principaux. Les autres, ils avaient 10 lignes de scène. Et c'est pour ça qu'on les appelle les second rôles. Non. Dès l'instant où j'ai commencé Ici tout commence, ça a été 4 millions et demi quotidiennement de téléspectateurs. Et je dois dire, je leur prie de m'excuser. C'est moi qui ai demandé d'être tué. Parce que je ne pouvais pas rester plus de 3 mois pour tourner avec eux. Mais ouais. J'ai donné ma parole. Donc, au moment où on m'a tué dans la série, je reviendrai. Tout le monde m'a dit « Oh, ça va, mais arrête, qu'est-ce que tu racontes ? T'es mort !» Oui, sauf qu'ils ont oublié que si on fait un film sur Napoléon, il est bien mort, Napoléon. Mmh. Alors, on peut faire un film sur lui. Et donc, suis revenu. La semaine dernière, voilà, on a recommencé à tourner. Alors justement, des flashbacks. Voilà. Alors justement, parlons de la série Ici tout commence. Et vous l'avez dit à juste titre, c'est vrai que c'était osé de la part de TF1 en Access Prime Time de mettre des séries justement à cet horaire-là. Ici tout commence, on peut le dire, c'est un vrai carton sur la cible de la responsable des achats de moins de 50 ans, TF1 est leader, c'est un vrai grand carton à la télévision et sur TF1. Alors, Téléstar a communiqué, donc on est bien d'accord, vous revenez et vous allez revenir donc régulièrement dans la série Ici tout commence. Oui, avec des flashbacks, oui. Où on va découvrir, et c'est justement pour ça que Monsieur Führer, qui est vraiment le grand responsable de tout ce scénario, et Mademoiselle Faramond, qui est la productrice et qui est vraiment complètement, qui a un regard sur les jeunes formidable, je dois dire que ils ont, et ça aussi c'est important de le dire, tous les jeunes, quel que soit leur niveau, leur origine sociale, ce qu'ils sont, d'où viennent, ils sont là. C'est pas un film qui justement serait raciste ou serait homophobe ou antisémite ou islamophobe. Et c'est là où c'est très important parce que les jeunes qui par millions vraiment suivent et se projettent dans cette série, c'est magnifique pour eux parce que ça donne une image formidable. Et j'insiste sur le fait que là où le TF1 était formidable et continue à l'être, c'est que personne n'a peut-être percuté ça, c'est sur la cuisine. Donc ça veut dire qu'à l'étranger, cette série, elle fait un carton parce qu'elle représente bien la France. C'est ça l'intérêt. C'est pas de faire une série sur des histoires policières ou des histoires d'amour quand il y a d'autres. Mais c'est exactement comme si, par exemple, en Espagne, on faisait une série sur la tauromachie. C'est exactement comme si, par exemple, en Italie, on faisait une série sur la mafia. C'est-à-dire que ça représente vraiment la France. Et c'est vraiment incroyable la répercussion, car depuis ITC, vous avez vu le nombre d'émissions culinaires bien sûr. Qui cartonnent à la télé. Oui. Est-ce que... là, vraiment, ils ont... Et puis aussi, il faut dire que, et je le dis aussi pour tous les jeunes peut-être qui nous écoutent, que tu n'as pas besoin d'être beau pour être un acteur. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a tout d'un coup des jeunes filles qui sont ravissantes, très belles, comme Julie Sassous, comme Elsa Longini, Vanessa Dume, etc. Mais regardez bien cette série. Il y a aussi des beaux jeunes premiers, magnifiques, bien Fabien Wolfram, Benjamin Baroche et tout. Mais en fait, tous les physiques sont là. Bien sûr. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est là que quelquefois, j'aimerais bien être à votre place. Je me dis que c'est intéressant, c'est vrai que cette série Ici Tout Commence, le succès, vous le dites à juste titre, il y a la cuisine, etc. On a même des téléspectateurs, je pense que ce qui est tourné est une réalité. Et mais que votre personnage, notamment, a été une réalité. Non mais c'est absolument incroyable. Juste une idée avant de répondre à cette question. J'espère que personne ne nous écoute. Alors il faudrait faire la chose suivante. Faites semblant d'être comédien, que ce soit vous ou l'un d'entre vous, journaliste, justement, vous faites semblant d'être comédien, vous vous faites engager sur ITC, et comme ça, vous avez, pendant que les 2-3 semaines où vous êtes comédien, vous êtes dedans. Et après, vous pourrez dire exactement ce qui se passe pendant le tournage. Mais c'est génial, on va le faire. Que, en fait, TF1 a pris un château à Saint-Laurent-des-Gouzes, qui est entre Nîmes et Sète, et ce château, ils l'ont transformé en institut Auguste Armand. Ça a coûté une fortune. Ils ont mis des portraits, ils ont mis des statues, ils ont tout mis dedans. Ils ont fait des cuisines, ils ont fait des bureaux et tout. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du tournage, les gens ont cru que c'était vraiment l'Institut Auguste Armand, qu'il était là depuis 50 ans ou 100 ans, et qu'il y avait vraiment eu un Auguste Armand. Quand je suis arrivé la semaine dernière pour tourner, il y a toujours une quarantaine de personnes dehors toute la journée, à attendre les sorties des comédiens, à faire des photos, à leur parler, qu'est-ce qui va se passer. Ah, moi j'ai trouvé que... Et il y a une dame, pendant que je signais les autographes, « Ah ben vous êtes là, vous revenez ?» Et là-dessus, la dame me suit, elle me dit, « Monsieur Esther, je vais vous dire, c'est un scandale. Qu'est-ce qu'il y a, madame ?»« Eh ben, je vais vous dire, j'ai été au cimetière de Saint-Laurent-des-Gouzes et on m'a pas laissé voir la tombe d'Auguste Armand. Alors, je tiens à vous le dire, c'est honteux, c'est honteux. Parce que moi, je voulais vraiment aller devant la tombe du... » C'est-à-dire que la dame, elle croit vraiment que moi, Francis Huster, je suis un comédien qui interprète le rôle d'Auguste Armand, comme si on interprétait le rôle de D'Artagnan. C'est ça qui est dingue. Et c'est là qu'on voit l'impact, l'effet de la télévision et aussi le rôle que vous interprétez. C'est-à-dire que vous avez le rôle en vous. Et c'est le côté le plus dur quand on est comédien, quand on est acteur, c'est de pouvoir s'habiter le rôle, quoi, en fait. Et vous l'incarnez par la plus grande perfection, quoi. Merci. Ce que je sais, c'est que il y a toujours, comme pour les Anglais, justement, c'est pour ça que moi j'adore le système anglais. J'ai été aussi éduqué là-dedans parce que je parle anglais couramment, et c'est vrai que comme les Italiens, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ben dans une semaine, je vais aussi commencer une autre comédie avec Patrick Cassir où je joue un peu comme De Niro fait quand tout d'un coup il fait ses comédies. Un rôle, mais à pisser de rire, pour justement casser l'image dramatique et tragique d'Auguste Armand. Mais je dois dire aussi, on n'en parle jamais, que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque jour dans ce château, il y a deux équipes de tournage, c'est-à-dire deux metteurs en scène, il y a une soixantaine de techniciens, c'est comme s'il y avait deux films qui sont nés en même temps, et tous les jours, imaginez-vous, le travail est incroyable, ils tournent un épisode par jour, c'est-à-dire 14 minutes, 15 minutes d'un côté avec une équipe et 15 minutes avec l'autre équipe. Donc il y a là une soixantaine de personnes qui travaillent, dont 90% sont des jeunes, et les les metteurs en scène, ah ben ils sont formidables, parce que les metteurs en scène, comme ils sont jeunes, comme ils sont, là il y en a deux, Yann et Béatrice qui ont travaillé là avec moi, j'ai eu cette chance là, ils se mettent à la place du public et eux, comme ils savent très bien ce qui va se passer, les secrets du scénario, ils nous aident énormément. Et les techniciens, je dois dire que la qualité, la beauté des images et le son est toujours direct, hein. Mais il y a vraiment, mais c'est rarissime que tout d'un coup il y a une petite synchro parce qu'on a entendu le bruit de quelque chose pendant qu'on parlait. Non, c'est vraiment. Et puis alors les jeunes, c'est ça qui est inouï. Alors c'est pas ceux qui nous écoutent, il y aura peut-être quelqu'un qui va y penser. Je pense. Vous êtes de bons conseils. Oui. La semaine dernière, on m'a raconté qu'il y a quelqu'un, une famille. Un monsieur, sa femme, et là, ils sont venus à l'entrée de l'institut et ils ont dit on voudrait dîner. Mais comment, monsieur? Mais il n'y a pas de restaurant. Mais enfin, écoutez, ne plaisantez pas. Bien sûr qu'il y a un restaurant. On le voit tous les jours à la télé. Alors on veut dîner. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas dîner. C'est interdit peut-être de dîner. Ils étaient persuadés qu'il y avait un vrai restaurant. C'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Alors, écoutez, si vous faites un restaurant qui s'appelait le restaurant Auguste Darmand, ça fera bourrer. C'est là qu'on voit la force de frappe de la télévision. Et quand on dit que la télévision aujourd'hui est moins suivie que par rapport au XXe siècle, dans les années 90-2000, on s'aperçoit en vous écoutant ce matin qu'il y a toujours cet impact et que la télévision aujourd'hui est quand même un média fort où les téléspectateurs, téléspectatrices, regardent avec plaisir et passion les différents programmes, notamment Ici Tout Commence. Vous savez, je vais vous dire juste une chose. Oui. À un moment, dans une des premières scènes où j'étais face aux élèves, j'ai improvisé, en dehors du discours que je leur faisais, qui était écrit dans le scénario, j'ai improvisé deux, trois phrases. Et je leur ai dit que ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait dans la vie, c'est ce qu'on fait de sa vie. Et c'est devenu cette phrase que j'ai dite, la phrase type de cet institut et de cette série. Et c'est vrai que elle est marquée partout dans l'institut avec la photo d'Auguste Armand et tout. Il se trouve que je veux dire aux gens qui nous écoutent que la raison de suivre une série pendant des années, des fois 3 ans, 5 ans, 10 ans même, c'est tout simplement qu'elle vous sort de la réalité quotidienne de la vie. Et quand on voit les horreurs qui se passe dans la vie, la guerre, cet homme qui a poignardé des enfants, c'est honteux, c'est dramatique. Quand on voit tout ça, on se dit que effectivement la télévision, elle vous offre le moyen de vous évader, bien sûr, et en plus de vous proposer non pas du rêve comme on croit, mais la réalité que vous souhaiteriez. Mais c'est bien résumé parce que on regarde. Alors Ici Tout Commence, c'est exactement ça. Et on se souvient aussi de l'arrêt de Plus belle la vie. Pendant 18 ans, ça a fait le quotidien des Françaises et des Français. C'était une fenêtre pendant une demi-heure où les Françaises et Français, se posaient et soufflaient en regardant un programme qui faisait partie de leur paysage au quotidien. C'est donc les séries comme Ici Tout Commence et les autres. C'est vrai que c'est une bouffée d'oxygène pour les téléspectateurs. Alors, Francis Huster, j'aurais tellement de questions à vous poser, mais j'en ai une qui me tient à cœur. Vous êtes un acteur, je l'ai dit au préambule de cet entretien. On vous connaît tous, toute la France vous connaît. Et c'est vrai que vous avez su traverser les années 80, les années 90, les années 2000. Vous êtes un acteur aujourd'hui qui a une force, vous êtes un passionné, on le voit, et les Françaises et les Français vous le rendent bien. Mais quel regard vous portez sur la télévision, le cinéma d'hier, par rapport à la télévision et le cinéma d'aujourd'hui ? Alors, je porte exactement le regard de Didier Deschamps sur l'équipe de France. C'est-à-dire que le cinéma, le grand cinéma français, les années d'or de Gabin, de Bourville, de Funès, de Long, Belmondo, etc., c'était un cinéma où les comédiens devaient interpréter des rôles totalement différents de ce qu'ils sont dans la vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait un métier qui n'existe plus, qui est un métier de dialoguiste. Le scénariste, il écrivait l'histoire, et on demandait à un dialoguiste, que ce soit Henri Janson, que ce soit Jacques Companèse, le papa de Nina Companèse, que ça soit Michel Audiard, bien sûr, Francis Weber, on leur demandait, mais vraiment, on leur donnait le scénario, une trentaine de pages qui racontait l'histoire, et eux, ils faisaient les dialogues. Oui. Alors, les acteurs donc venaient sur le tournage, et ils étaient enfin, exactement comme au théâtre, en train de dialoguer, de dire, de vivre le texte qui n'avait aucun rapport avec ce qu'ils sont dans la vie, eux, vraiment. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que la façon d'interpréter, il n'y a plus de dialoguistes, c'est les scénaristes qui, en même temps, ont des équipes 4-5 qui font les dialogues, et ça veut dire que les acteurs eux-mêmes réinventent ce qu'ils sont en train de jouer. Et donc, il faut choisir des rôles qui vous ressemblent. Ça veut dire que tu peux jouer un rôle tragique, mais il faut que ce soit un rôle où tu te conduirais comme ça si t'arrivais ça dans la vie. Tu joues un rôle comique, c'est exactement ouais. comme ça que tu te conduirais. Et on ne peut plus parler d'un acteur aujourd'hui s'il ne correspond pas au rôle qu'il interprète. Ça n'intéresse pas le public. C'est vrai. C'est absolument différent. C'est exactement, je veux bien expliquer, comme un chanteur d'aujourd'hui, il est obligé de chanter des chansons qui le concernent. C'est vrai. Si on a l'impression qu'il est simplement un chanteur qui chante l'un, ça ne va pas. Alors, Francis Huster, j'avais envie aussi de vous poser cette question-là, puisque vous avez tourné quand même avec des actrices, avec des acteurs qu'on connaît tous. Quel est, demain, vous recevez un scénario, quel est l'acteur avec lequel vous allez vous dire « Ah oui, alors celui-là, j'ai kiffé ce que j'ai fait avec lui pendant sur un certain film, donc avec lui, je vais tourner. » Et quel est le scénario avec lequel vous allez dire « Ah non, lui, je ne peux pas tourner avec lui. » Vous pouvez répondre à cette question-là. Quel est l'acteur avec lequel vous vous sentez le mieux et l'acteur avec lequel, non, c'est pas possible? Ça, c'est la dernière question, la question ultime. Hein. Celle où finalement, les gens disent, ah ben dis donc, quel con ce Huster, ah, je parie le mec quand même. Mais pour qui il se prend? Mais c'est dingue ce mec. Ouais, non. Mais parce... Oui. Bon, alors, c'est en fait, c'est très simple, parce que c'est le même. Oui. C'est-à-dire que je voudrais vraiment retrouver Jacques Spiesser, le commissaire Magellan. Jacques, j'ai fait énormément de choses avec lui. On a fait des Molières, on a fait des choses sublimes. Jacques a beaucoup tourné pour la télévision. Il a donc maintenant un emploi qui est un emploi un petit peu à la Ventura, un emploi comme ça. Il est adoré par tout le monde. Magellan est terminé, comme Francis Perrin, pareil, pour son feuilleton aussi. Et j'aimerais beaucoup retrouver Jacques pour qu'on fasse une espèce de procès, où lui serait peut-être le juge et moi l'avocat de la défense. J'aimerais beaucoup me retrouver avec Jacques dans un film. Et en plus, alors ça c'est la raison pour laquelle, parce que je trouve que c'est un acteur d'un modernisme absolument merveilleux. C'est un homme d'abord dans la vie magnifique, un être humain superbe, et je voudrais vraiment le retrouver. Et la deuxième chose, l'acteur que je ne voudrais surtout pas retrouver, c'est Jacques Spiesser, parce que je sais qu'on n'arrêtera pas tous les deux de déconner et de vouloir montrer à chaque scène. Tu vois, moi, je fais ça comme ça. Ah non, moi, je fais ça comme ça, mon vieux. Ah non, non, non. Comme on faisait dans le Misanthrope, voilà. Mais je veux vraiment lui rendre hommage à Jacques. Très bien. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En tout cas, le message est passé. Merci, Francis Huster. Alors, ici, à Fadjet, à Nancy, nous sommes dans l'émission Multitube, et notamment l'animateur que je suis. J'ai été très fier d'échanger avec vous ce matin. Une fierté parce que je sais que vous êtes un acteur populaire. On vous suit à la télévision, on l'a évoqué. Et en plus, on va avoir le plaisir de vous retrouver en Lorraine, ici, dimanche prochain, le 18 juin, dès 15h30, au Théâtre de Lunéville, avec Hamlet. Vous pouvez, vous, chers amis, réserver dès maintenant pour aller applaudir, voir notre acteur préféré, Francis Huster. Merci beaucoup. Merci. Mais merci beaucoup. Et à la fin de la représentation, on pourra se parler avec le public, discuter. On vient vraiment pour faire la fête. Très bien, alors le message est passé aussi. Mais merci beaucoup. Et on sera là pour vous applaudir, et on sera là pour venir vous voir, pour avoir une petite photo, une petite dédicace, parce que vous êtes un exemple, vous êtes tellement un grand génie. Merci Francis Huster. Merci. Merci. Merci et excellente journée à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est Multitube, c'est samedi matin. Merci d'être avec nous.